Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Le Thor, Florence Lecor, Nicolas Struve, Noam Morgenstern. Deuxième épisode. La première fois que Gaud Mevel avait aperçu Jan Gaos, c'était le lendemain de son arrivée, au Pardon des Islandais, qui est le 8 décembre, un peu après la procession. Les rues sombres, encore tendues de draps blancs, sur lesquels étaient piqués des feuillages et des fleurs d'hiver. À ce pardon, la joie était lourde et un peu sauvage, sous un ciel triste. Joie sans gaieté, faite de défis, de vigueur physique et d'alcool, et sur laquelle pesait, moins déguisée qu'ailleurs, l'universelle menace de mourir. Grand bruit dans Paimpol, son de cloches et chants de prêtres, chansons rudes dans les cabarets, vieilles complaintes venues de la mer, venues je ne sais d'où, de la profonde nuit des temps. Groupe de marins zigzagant dans les rues, par habitude de rouler et par début d'ivresse, jetant aux femmes des regards plus vifs après les continences du large. Groupe de filles en coiffe blanche, aux belles poitrines frémissantes, aux beaux yeux remplis des désirs de tout un été. Et à côté des filles amoureuses, les fiancées de marins disparus, les veuves de naufragés, silencieuses, passant au milieu de ce bruit de vie, comme un avertissement noir. Et là, tout près, la mer, toujours, la grande nourrice et la grande dévorante, s'agitant, elle aussi, faisant son bruit, prenant sa part de la fête. De toutes ces choses, je sentais une espèce d'angoisse me prendre, à l'idée que ce pays était redevenu le mien, pour toujours. Sur la place, où il y avait des jeux et des saltimbanques, je me promenais avec des amis, qui me nommaient les jeunes hommes de Paimpol ou de Ploubalanec. Devant les chanteurs de complaintes, un groupe de ces Islandais était arrêté, tournant le dos. Et l'un d'eux avait une taille de géant, des épaules presque trop larges, et des cheveux noirs et bouclés, longs sur le cou. En voilà un qui est grand. Pour celle qui l'épousera, quel encombrement dans son ménage. Jan s'était retourné et m'avait enveloppé d'un regard rapide qui semblait dire « Quelle est celle-ci qui porte la coiffe de Paimpol et qui est si élégante et que je n'ai jamais vue ?» C'est Jan Gaos, de Porzevan. Jan Gaos ? J'en ai entendu parler. C'est un grand ami de Sylvestre. Le soir de ce même pardon, Sylvestre et Jan nous avaient croisés, mon père et moi. À vrai dire, ce Jan n'avait pas été très galant. Il s'était borné à ôter son chapeau d'un geste presque timide, puis il avait détourné les yeux, paraissant avoir hâte de passer son chemin. Une grande brise d'ouest avait semé par terre des rameaux de buis et jeté sur le ciel des tentures noires. Je revois très bien cette tombée triste de la nuit, sur cette fin de pardon. Ces draps piqués de fleurs qui se tordaient au vent le long des murailles. Ces groupes tapageurs d'Islandais, gens de vent et gens de tempête, qui entraient en chantant dans les auberges. Et ce grand garçon planté devant moi. 500 lieues au large, arrive trois gros vaisseaux. Et La seconde fois qu'ils s'étaient vus, c'était à des noces. Le fils Gaos avait été désigné pour lui donner le bras. À l'heure dite, quand tout le monde était déjà réuni pour le cortège, ce Yann n'avait point paru. Le temps passait et il ne venait pas. Alors déjà, on parlait de ne plus l'attendre. Je me suis aperçue que pour lui seul, j'avais fait toilette. Avec n'importe quel autre de ces jeunes hommes, le bal serait manqué et sans plaisir. Excusez-moi, je suis confus. Mais voilà, de grands bancs de poissons nous ont été signalés d'Angleterre. Alors, tout ce qu'il y a de bateau dans plus balanec à appareiller en hâte. Oula, quel émoi dans les villages. Les femmes cherchaient leurs maris dans les cabarets. Elles se démenaient elles-mêmes pour hisser les voiles, aider à la manœuvre. Un vrai branle-bas. J'ai été obligé de me chercher un remplaçant. Je vais perdre toute ma part de pêche, mais tant pis. Je ne voulais pas manquer la noce, mademoiselle Gaude. D'abord, il ne m'avait dit que de ces galanteries comme on en compte pendant les fêtes aux jeunes filles que l'on connaît peu. Il n'y a que vous dans Paimpol et même dans le monde entier pour m'avoir fait manquer cet appareillage. Pour aucune autre, je ne me serais dérangé de ma pêche, mademoiselle Gaude. Je vous remercie, monsieur Yann. Et moi-même, je préfère être avec vous. Parmi ces couples de la noce, nous seuls étions des étrangers l'un pour l'autre. Ailleurs dans le cortège, ce n'étaient que cousins, cousines, fiancés. Des amants, oui, il y en avait aussi. Car dans ce pays de Paimpol, je sais qu'on va très loin en amour à la rentrée d'Islande. La dansons. Ah oui, dansons. Il me racontait sa vie de pêcheur, ses salaires, les difficultés d'autrefois chez ses parents, quand il avait fallu élever les 14 petits gaos dont il était l'aîné. Mais à présent, ils étaient tirés de la peine, à cause d'une épave que leur père avait rencontrée en Manche et dont la vente avait rapporté 10 000 francs. Cela avait permis de construire un premier étage au-dessus de leur maison, à la pointe du pays de Ploubalanec, tout au bout des terres, à Port-Séven, avec une vue sur la Manche. Il devait avoir une vie passionnante. C'est dur, le métier d'Islande. De partir comme ça en février, pour un tel pays, c'est très dur. Oui, ça doit être très dur. Mais le métier est bon. Je n'en changerai pas rien au monde. Des années, on me donne 800 francs. D'autres fois même 1200. Que je porte à ma mère. À votre mère, monsieur Yann? Mais oui. Il le faut. Chez nous, c'est l'habitude comme ça. Ainsi, moi, je n'ai jamais d'argent. Le dimanche, ma mère me donne un peu quand je viens à Paimpol. Et pour tout, c'est la même chose. Cette année, mon père m'a fait faire ses habits neufs. Sans quoi, je n'aurais jamais voulu venir aux noces. Oh non, je ne serais pas venu vous donner le bras avec des habits de l'an dernier. Vous êtes très élégant, monsieur Yann. C'est tout à fait ce qu'il me semble. Il n'était pas très chic, ses habits. Veste trop courte, ouverte sur un gilet d'une forme ancienne. Mais le danseur avait grand air, la taille haute et le torse large. Quel mélange il était de rudesse sauvage et d'enfantillage. Sa voix avec les autres était brusque, mais quand il me parlait, elle devenait fraîche et caressante. Pour moi seule, il savait la faire vibrer avec une extrême douceur. Et puis quelle chose singulière, ce grand garçon terrible, toujours traité chez lui en petit enfant. Ayant couru le monde, tous les dangers, et conservant pour ses parents cette soumission respectueuse. Si je le compare à 3 ou 4 freluquets de Paris, commis, écrivassiers ou je ne sais quoi, il est ce que j'ai connu de meilleur, en même temps qu'il est le plus beau. Oh, cette nuit de bal, si délicieuse, comme elle est lointaine. Décembre, et on est en mai. Tous les beaux danseurs pêchent à présent là-bas, sur la mer d'Islande, dans une solitude immense. La place de Paimpol devenait de plus en plus triste avec la nuit. On n'entendait guère de bruit nulle part. Au-dessus des maisons, le vide encore lumineux du ciel semblait se séparer davantage des choses terrestres. De temps en temps, une porte se fermait, ou une fenêtre. Quelque ancien marin, à la démarche roulante, sortait d'un cabaret, s'en allait par les petites rues sombres. Ou bien quelques filles attardées rentraient de la promenade. Il y avait une odeur douce qui était montée des jardins et des cours, celle des chèvrefeuilles fleuries sur le granit des murs, et aussi une vague odeur de goémon venue du port. Les dernières chauves-souris glissaient dans l'air comme les bêtes des rêves. Il était un charmant danseur, droit comme un chêne de futaie, et tournant avec une grâce à la fois légère et noble, la tête rejetée en arrière. Ses boucles brunes retombaient un peu sur son front et remuaient au vent des danses. On s'embrassait beaucoup à la fin de la nuit. Baisers de cousins, baisers de fiancés et baisers d'amants, à pleine bouche. Lui ne m'avait pas embrassée, bien entendu. Seulement, il me serrait un peu plus pendant ses valses de la fin. Et moi, je n'y résistais pas. Dans ce vertige qui m'entraînait vers lui, mes sens y étaient bien pour quelque chose, mais c'était mon cœur qui avait commencé le mouvement. Au petit jour glacé, nous nous sommes dit adieu d'une façon à part, comme deux promis. Pour rentrer, j'ai traversé cette même place, nullement fatiguée, mais alerte et joyeuse, ravie de respirer cette brume gelée du dehors et aimant cette aube triste. La nuit de mai était tombée. Les fenêtres s'étaient toutes fermées avec de petits grincements. Et Gaude restait là. Et ses yeux restaient fixes dans l'obscurité, ne regardant rien des choses réelles. Pourquoi n'était-il pas revenu ? Après ce bal, rencontré par hasard, il a eu l'air de me fuir, en détournant les yeux. Et Sylvestre qui insistait. C'est bien avec celui-là que tu devrais te marier, Gaude. Car t'en trouverais pas dans le pays un autre qu'il vaille. D'abord, je te dirais qu'il est très sage. C'est fort rare quand il se grise. Oh, il fait bien un peu son têtu, mais dans le fond, il est tout à fait doux. Non, tu peux pas savoir comme il est bon. Et quel marin ! À chaque saison de pêche, les capitaines se disputent pour l'avoir. Moi aussi, je suis prête à me disputer pour l'avoir. Cela m'est égal qu'il ne soit pas riche. Cela m'est bien égal aussi qu'il soit un peu un géant. Ça peut être un défaut chez une femme, mais pour un homme, cela ne nuit pas du tout à la beauté. Par ailleurs, je me suis informée. On ne lui connaît point d'engagement. Il va de droite et de gauche, à Les Ardrieux aussi bien qu'à Paimpol, auprès des belles qui ont envie de lui, mais sans tenir à l'une plus qu'à l'autre. Quand même, un soir très tard, je l'ai vu passer ses rangs de près Janikarov, dont la réputation est fort mauvaise. Cela m'a fait un mal cruel. On m'a assuré aussi qu'étant gris un soir, dans un certain café de Paimpol, il a lancé une grosse table en marbre au travers d'une porte qu'on ne voulait pas lui ouvrir. Tout cela, je le lui pardonne. Vous savez bien comment sont les marins. Mais s'il a le cœur bon, pourquoi est-il venu me chercher, moi qui ne songeais à rien, pour me quitter après ? À présent, je suis incapable de m'attacher à aucun autre. J'ai vu l'hiver passer dans l'attente de le revoir. Et il n'est même pas venu me dire adieu avant le départ d'Islande. Il n'est plus là. Rien n'existe. Gaude enleva ses vêtements avec la lenteur d'une fille qui rêve. D'abord sa coiffe de mousseline, puis sa robe élégante. Ensuite son long corset de demoiselle qui faisait beaucoup causer les gens. La petite lampe qui brûlait seule éclairait avec un peu de mystère ses épaules et sa poitrine, sa forme admirable, qu'aucun œil n'avait jamais regardée et qui allait sans doute être perdue pour tous. Je vais me dessécher sans être jamais vue, puisque ce Yann ne me veut pas pour lui. Sur l'autre versant plus noir de la vie, dans sa chaumière, la grand-mère Mohan avait fini par s'endormir du sommeil glacé des vieillards. À cette même heure, sur la mer boréale, les deux hommes désirés, Yann et Sylvestre, pêchaient gaiement à la lumière sans fin du jour. C'est Jean-François de Nantes, ouais, ouais, ouais, cavalier sur la fringante en mer, ouais, Jean-François, débarque en fin de campagne, ouais, ouais, ouais, fier comme un roi d'Espagne en mer, ouais, Jean-François. C'était Pêcheur d'Islande de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Gaude, Nicolas Struve, Yann, Noam Morgenstern, Sylvestre Mohan. Et les voix de Jeanne Candel, Régis Chaussard, Alain Christie, Linda Devano, Thibault Lacour, Claire Latreille, Fabien Lucciarini, Laure Matisse, David Sordoyer, Régis Romélé, Caroline Victoria, Gaël Zax, Hugo Mayer, Guillaume Clessen, Martin Kubisch, Benjamin Kérotret. Musique: Johan Lekelenek, Olivier Stenou, Guy Ropartz. Bruitage: Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage: Claire Levasseur, Nadège Antonini. Réalisation: Annabelle Brouard, Étienne Vallès.